captifs, chercher la délivrance auprès de Christ notre Sauveur. Vos fers brisés montreront sa puissance, vous affranchir c'est son bonheur. Pauvre les trésors du Dieu Sauveur. Après les jours régnait la détresse, vous jouirez du vrai bonheur. Venez puissants, apprenez de se mettre à devenir ses serviteurs. Effacez-vous, laissez le seul paraître et grandir seul dans tous les cœurs. Venez buveurs, recevoir de sa grâce votre pardon et votre étoile, le sentier qu'il vous trace n'est tout bordé de ses bienfaits.